Jean Bosco, Ndoui Man. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Voici quelques titres. Même si un décret présidentiel institue une journée de solidarité locale, personne ne sera forcé de donner des aides destinées aux vulnérables, dont les collectes vont débuter ce samedi au niveau national, d'après le porte-parole du ministre de l'Intérieur. De son côté, le président de l'ONG locale, Parsem, Faustin Dikoumana, dit que la solidarité ne se décrète pas. Et puis, le parti Frodebou Niakouri souhaite que la question d'organisation de futures élections soit une priorité si, une fois la facilitation, convoque la cinquième session de dialogue, alors que pour le politicien de la coalition Misere Abarundi, Tassien Sibomana, tous les sujets et entrés à l'accord d'Arusha devraient faire objet de discussion. Et puis, la Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance, en collaboration avec l'association internationale Internet Watch Foundation, s'engage à lutter contre la propagation en ligne des images d'exploitation sexuelle des enfants. Et cette fédération, la FENADEB, sollicite le concours du gouvernement. Et dans la chronique judiciaire, à la fin de ce journal, nous parlerons des recommandations du rapport de l'examen périodique universel. Le professeur Égide Manirakiza nous dira que ces recommandations n'ont pas de caractère contraignant contre un État. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. Personne ne sera forcé de donner des aides destinées aux vulnérables, dont les collectes vont débuter ce samedi au niveau national. C'est ce que précise le secrétaire permanent et porte-parole du ministère de l'Intérieur et de la formation patriotique. Terence Nhairaja explique que le décret présidentiel instituant la journée de solidarité locale vient améliorer la façon dont les aides étaient collectées et distribuées aux nécessiteux. On l'écoute. Le présent décret, c'est vrai, c'est une loi, mais une loi qui n'est pas punitive, mais c'est une loi sociale qui invite tout le monde à faire son travail, à aider son projet, mais sans toutefois user de la force ou de la violence. Auparavant, il y avait une confusion ou bien il y avait du flou quant à ce qui concerne l'identification des vrais vulnérables. Parce que toutes les personnes, les paresseux, les personnes paresseuses, et les vrais vulnérables, tout le monde se rassemble dans différents ville pour aller commander. Il y en a même qui utilisent les affaires pour chercher de l'argent. Eh bien, c'est pourquoi, comme vous avez suivi ces derniers jours, le ministre en charge de l'Intérieur, le ministre en charge des Affaires sociales et de la Sécurité publique, on a travaillé à synergie pour renvoyer toutes les personnes qui ne sont pas des vulnérables et qui viennent commander à ville. On les a transportées chez eux dans les villages natals. Au moment où je vous parle, il y a plus de 1500 qui sont déjà réintégrés dans les familles. Il faut qu'ils aillent au travail et faire le travail. Or, au niveau communal, tout le monde se connaît. Les vulnérables et les indigents sont inscrits à la commune. Ils ont des attestations d'indigence, ils sont connus. Les vieux qui sont incapables de faire ceci ou cela, qui n'ont pas d'appui extérieur, sont très bien connus. Il est donc facile quand on sera au niveau communal. C'est pourquoi le gouvernement a décentralisé au niveau local pour cette entraide solidaire. En fait, qui se fait, c'est clair. Donc, il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de problème. C'est clair. Là, l'identification devient très facile, qui est vulnérable ou qui ne l'est pas. De son côté, l'ONG locale Parole et Action pour le Réveil des Consciences et l'évolution des mentalités par CM, l'on s'inquiète plutôt de la façon dont le gouvernement s'ingère dans son genre d'activité. Le président de cette organisation nuance sa position. Faustin Dikoumana dit ne pas être contre ce décret présidentiel portant collecte des aides pour assister les vulnérables, mais trouve que ce travail devrait être confié à des associations qui interviennent dans l'humanitaire. D'abord, au niveau de solidarité, les Burundais étaient déjà solidaires. Faire une investigation quelque part, vous trouverez que chaque famille ici au Burundi, chaque individu, au moins supporte 3 ou 4 personnes. Pour le comité de solidarité, alors, il faut un cadre complètement indépendant qui pourrait percevoir ces fonds. Il y a des professionnels dans ce type d'action, des ONG professionnelles de grande notoriété internationale. En l'occurrence, par exemple, Croix-Rouge, Caritas. Ils peuvent organiser cette collecte. Même l'État peut contribuer à travers ce cadre. L'État donne le cadre, autorise pour que cette campagne soit menée. Parce qu'il faut que ce soit un cadre strictement apolitique. Nous nous souvenons que dans le passé, quand il y a eu une assistance du riz donnée par le Japon, tari kuri se on disait que pour bénéficier ça il fallait se doter ou telle autre couleur politique. Quand il s'agit de l'État, il y a tendance de corruption, tendance de favoritisme, surtout lié aux histoires d'appartenance politique, quoi. Pour alors mériter confiance des donateurs dans ce cadre, il faut que ce soit un cadre strictement apolitique. Pas dire que l'État va percevoir des fonds sur des comptes des communes. Non, ça doit être un cadre strictement apolitique qui crédibilise cette action de collecte et qui permet à ce que les donateurs puissent donner avec confiance. Faustin Ndikoumana, président de l'organisation PARSEM. La Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi, en collaboration avec l'association internationale Internet Watch Foundation, s'engage à lutter contre la propagation en ligne des images d'exploitation sexuelle des enfants. Le président de cette fédération lance un appel vibrant aux parents de surveiller de près leurs enfants en ce qui concerne l'utilisation responsable de l'Internet. Jacques Nshimirimana précise également que la contribution du gouvernement est obligatoire pour mener à bien ce combat. Suivez-le au micro de Jean-Marie Vianney Ngendakoumana. C'est une triste réalité, les enfants sont exploités sexuellement en ligne, donc des images qui sont propagées d'ici et là, qui mettent en scène les enfants, des images des enfants qui sont tournées, tout ça. Au niveau de la FENADEB, nous sommes dit que nous devons nous lever pour lutter contre ce phénomène. Au moment où l'utilisation de l'Internet prend une ampleur mondialement, même ici au Burundi, est-ce que ça sera possible d'atteindre votre objectif? Oui, il sera possible que nous atteignions notre objectif parce qu'il suffit de mettre. Nous sommes très engagés à protéger les droits des enfants burundais ou des enfants étrangers qui vivent au Burundi. Et tout dépendra de la façon dont nous allons collaborer avec tous les autres partenaires. Qui vous êtes? Les médias, les ONG internationales, les secteurs techniques du gouvernement. Tout dépendra de la façon dont nous allons collaborer pour lutter contre ce phénomène qui met en cause les droits de nos enfants. C'est vrai, l'Internet, c'est un signe de développement, mais s'il n'est pas bien utilisé, peut mettre en cause et les enfants faire les adultes, et surtout quand il s'agit de partager ce genre d'images qui ne sont pas du tout responsables. Justement, votre fédération FENADEB collabore comment avec le gouvernement pour punir ceux qui publient des images qui ne respectent pas les mœurs? La collaboration avec les secteurs techniques du gouvernement est obligatoire, est inévitable. J'ajouterai également qu'au niveau de notre fédération, les services techniques qui sont spécialisés en matière devraient aussi prendre le devant à bloquer ce genre d'images une fois partagées sur Internet. Et c'était le président de la Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance. Et puis, le délai de collecte du café cerise est prolongé jusqu'au 5 août prochain. Lors d'un point de presse animé ce jeudi sur la clôture de la campagne de collecte du café cerise, Deugui de Rurema, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, fait savoir que la production du café a connu une croissance remarquable l'année en cours. Il affirme que le café apporte dans les caisses de l'État 60% des devises provenant des exportations. On l'écoute. Au Burundi, le café à lui seul apporte plus de 60% des devises résultant des exportations. C'est la raison pour laquelle le gouvernement du Burundi, à travers le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, donne des orientations pour assurer une bonne organisation des campagnes café dans le souci d'intéresser que ce soit les producteurs et d'autres acteurs depuis la campagne café 2016-2017. Lors de nos points de presse sur l'ouverture de la campagne café 2018-2019 qui a eu lieu en date du 29 mars 2018, nous avons interpellé tout et chacun de continuer à travailler en synergie en vue de la dynamisation du secteur café. Nous saluons le pas déjà franchi, que ce soit en ce qui est de la gestion des centres de transit du café cerise, la lutte contre la fraude. Pour cette campagne café 2018-2019, nous avons déjà une production de 1 206 171 000 tonnes de café cerise, alors qu'on s'attendait à une production de 100 000 tonnes de café cerise. Sur base des données disponibles, une quantité de 19 000 tonnes de café vert sera produite sur une prévision de 15 000 tonnes, soit une réalisation de 126%. Nous recommandons aux dépulpeurs de continuer à réceptionner le café cerise là où il en a encore jusqu'au 5 août 2018. Il sera acheté au prix de 250 francs. Le kilo. Ceux qui n'ont pas encore payé, les caféiculteurs pour la première tranche doivent faire de leur mieux pour que le paiement ait lieu le plus tôt possible. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Politique, le parti Frode Bunyakuri souhaite que la question d'organisation de futures élections soit une priorité si une fois la facilitation convoque la cinquième session de dialogue. Pour le président de ce parti, certaines questions comme celle relative au mandat présidentiel ou celle liée à la nouvelle constitution ont déjà connu une avancée. Suivez Kefani Widzi. Tout d'abord, je rappellerai que dans les sessions précédentes, on évoquait souvent la question du mandat présidentiel, la question de la constitution, la question de l'accord d'Arusha, mais aussi la préparation des élections de 2020. Pour nous, donc, certaines de ces questions étaient déjà vidées, notamment la constitution qui a été amendée par votre référendaire récemment, mais aussi la question du mandat présidentiel. Je pense qu'elle a déjà pris fin. Et donc, pour nous, une seule question qui nous reste, c'est de voir comment préparer les élections de 2020 dans la sérénité, et pour que tout le monde qui veut puisse y participer. Donc pour vous, les deux questions sur le mandat, sur la nouvelle constitution, ne doivent plus faire objet de débat. Rien ne pourrait faire à ce que ces questions reviennent dans les échanges ou dans le dialogue, parce que, par exemple, pour ce qui est de la constitution, quand le peuple a déjà tranché, je ne pense pas qu'il y ait possibilité d'une nouvelle discussion là-dessus, alors que la constitution est amendée par un vote où tout le monde a participé. Et je pense que même ceux qui grognent avec les militants, ils ont participé au vote, et ils ont été vaincus, donc ils doivent d'abord se remettre au véridique du référendum. Concernant la notion de mandat, à part que même auparavant, nous disions que c'est un non-lieu, maintenant que le chef de l'État a déjà prononcé qu'il ne reviendra plus en 2020, je pense qu'on ne devrait plus perdre du temps là-dessus. Et pour le politicien de la coalition Amizero ya Barundi, Tassien Sibomana, tous les sujets entrés à l'accord d'Arusha devront faire objet de discussion. Selon lui, la racine de la crise actuelle n'étant autre que la violation de cet accord, raison pour laquelle, selon lui, la nouvelle constitution qu'il juge discriminatoire doit être sur la table des négociations. C'est vrai, comme vous le dites, nous aussi nous entendons dire qu'il y aurait des préparatifs en cours tendant vers l'organisation de notre session de dialogue inter-burundais. Alors, dire que si jamais la session était organisée, la coalition des indépendants Misérable serait prête à y participer, nous l'avons toujours dit, nous croyons fermement en la solution qui passe par le dialogue et la concertation. En troisième lieu, vous dites que si jamais la session était organisée, quel serait l'agenda de votre session d'après vous? Vous savez, la crise qui secoue au Burundi, ses origines ne sont autres que politiques. La crise tire sa source dans l'entêtement à violer l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation. Alors, l'agenda ne serait tout autre que de revenir sur la genèse du conflit et de voir l'ampleur de la crise, ses conséquences, diagnostiquer correctement le problème et songer en définitive à y trouver des solutions adéquates. Lors des précédentes sessions, on dirait qu'il y a eu de nouvelles donnes et dont il y a le président qui a annoncé qu'il ne se représentera pas encore en 2020. On était encore sous le régime de l'ancienne constitution. Aujourd'hui, on a une nouvelle constitution. Est-ce que toutes ces questions-là, on pourrait dire que c'est une avancée ou bien c'est à rediscuter? Vous savez, que Pierre Nkurunziza dise qu'il ne se représente pas, c'est un fait. Donc pour nous, on prendrait acte, mais ce ne serait pas une question qui nous occuperait outre mesure. Quand vous dites qu'il y a une nouvelle constitution qui pourrait, aux yeux de certains, constituer une avancée, alors que pour d'autres, ça constitue un recul. Je suis de ceux-là, la coalition Amis et les Warundais est de ceux-là, qui disent que ça constitue un recul. Tassien Sibomana, il est politicien, il est de la coalition Miseroya Barundi. Ses propos ont été recueillis par Aubin Niyonguru. Le ministre burundais de la communication appelle le Conseil national de la communication à mettre en avant le dialogue, beaucoup plus le dialogue que les sanctions. Le ministre Serge Ndayiragije s'exprimait ce jeudi lors de la séance de moralisation à l'endroit des journalistes et porte-parole des différentes institutions du pays. Une séance tenue après celle de Muramvya du mois d'avril de cette année. Le ministre Ndayiragije a suggéré aussi aux journalistes burundais d'œuvrer beaucoup plus sur le journalisme de développement. Suivez. Nous sommes CNC. Ukuntu ubu o hariho akarusho ko. Je suis satisfait de la façon dont le CNC fonctionne aujourd'hui. L'on constate qu'il y a une valeur ajoutée, mais il faudra donner des conseils et ne pas privilégier les sanctions. Nous sommes issus de différentes églises et une fois péchés, l'on s'en confie à Dieu pour qu'il puisse nous pardonner. C'est pourquoi je demande au président du CNC, en collaboration avec son équipe, de bien nous consulter avant de prendre toute décision à l'endroit des journalistes et les organes de leur ressort. J'aimerais vous rappeler que l'on vient de terminer le référendum. Une tâche noble vous attend lors des élections générales de 2020. Je vous appelle à bien travailler pendant cette période en usant de votre professionnalisme et ne travaillez pour personne. J'entends souvent le porte-parole du ministère de l'Intérieur intervenir sur les ondes, il faut que les autres fassent comme lui. Et le directeur de la radio Isanganiro se dit satisfait du fait que le Conseil national de la communication apprécie positivement le travail du médium dont il assure la direction. Sylvain Nakarotimana se réjouit du fait que le CNC ne se contente pas toujours de ce qui ne va pas. Il ajoute que son objectif est que la radio Isanganiro soit un miroir des médias caractérisé par le professionnalisme. Suivez plutôt Sylvain Nakarotimana. Ça a été pour moi un sentiment de satisfaction à partir du moment où on avait l'habitude d'avoir un message inquisiteur qui rappelait chaque fois à l'ordre, un message d'avertissement. Donc on travaillait dans un climat de panique parce qu'à chaque instant, il fallait se poser la question « Est-ce que je ne trébuche pas ?» Maintenant, cette satisfaction va s'exprimer dans un sens que nous allons avoir de la confiance en nous-mêmes. Nous faisons du travail que nous maîtrisons très bien et nous pensons que c'est quelque chose d'intéressant. Et j'encourage d'ailleurs le Conseil national de la communication de toujours voir dans un sens positif comment l'exercice du métier est en train de s'exercer, de ne pas à chaque fois brandir les sanctions auprès des médias, plutôt de les encourager à bien travailler professionnellement. Je crois que pour nous, c'est un sentiment de satisfaction et nous pensons que nous allons continuer dans le même sens. Que comptez-vous faire, bien sûr, pour pouvoir continuer à améliorer la qualité des services? Bon, la radio Isanganiro avait déjà compris à partir du moment où chaque autorité qui s'exprimait, notamment du Conseil national de la communication, disait que l'un des problèmes que souffrait le métier ici au Burundi, c'était que les journalistes n'étaient pas formés. Nous, au niveau de la radio Isanganiro, nous venons de former nos journalistes. Nous pensons que les fruits commencent à tomber et nous espérons qu'ils vont continuer dans le même sens. Et nous voudrions que la radio Isanganiro soit un modèle, un miroir, ou si on voudrait savoir quel le médium le plus professionnel et que la radio Isanganiro puisse être citée dans ce sens. Sylvain Nakarutimana, c'est le directeur de la radio Isanganiro que vous écoutez en ce moment. Dans le reste de l'actualité, en bref, avant la chronique judiciaire, un véhicule de marque IA s'est parti en fumée ce jeudi matin dans le parking de bus du sud de la capitale Bujumbura. La police a fourni tous ses efforts pour l'éteindre, mais en vain, ce bus qui transportait les gens vers Kanyosha a subi un incendie dû au court-circuit selon des sources reçues sur place. Et le ministère de la Culture et des Sports fait savoir qu'il n'a pas encore délivré une nouvelle licence d'exploitation de la compétition Miss Burundi. Le ministère indique également qu'aucune organisation n'a demandé cette licence. Cette déclaration fait suite à l'annonce faite hier par le responsable de l'Association des Burundais de la diaspora. Radio Isanganiro, chronique justice. Les recommandations du rapport issu de l'examen périodique universel contre un État n'ont pas de caractère contraignant. Le professeur Egide Manirakiza explique que l'État examiné est appelé à les mettre en œuvre de façon volontaire. L'État est associé dans ce processus pour l'aboutissement de ce rapport adopté par les Nations Unies après différentes étapes. Le détail, c'est dans cette chronique judiciaire préparée et présentée par Alain Désiré Boukayenet. Nous vous avons parlé dans la précédente chronique que les États membres des Nations Unies sont suivis tous les 4 ans dans le mécanisme de l'examen périodique universel en vue de mieux faire respecter les droits de la personne humaine. L'organe compétent, à savoir le Conseil des droits de l'homme de Genève, a été mis en place en 2007. Avant d'aboutir à un rapport contre un État, différentes étapes sont nécessaires. Dans la première phase, l'État soumet un rapport en premier lieu, comme l'explique professeur Egide Manirakiza. La première phase, c'est la phase où l'État qui va être examiné va soumettre un rapport de 20 pages. Il va mettre les mesures que l'État en question a adoptées dans son État pour le promouvoir, pour assurer la mise en œuvre de tous les droits de l'homme. En deuxième position, le Haut Commissariat des droits de l'homme dresse également un rapport sur l'État examiné. Dans la même étape, il y a un rapport de 10 pages qui est préparé par le Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies. Et ce rapport-là contient les informations qui proviennent des rapports des organes des traités et des procédures spéciales ainsi que des agences des Nations Unies, notamment le PNUD ou l'UNICEF. Un autre rapport préparé également par ce commissariat contient les informations provenant de la société civile. Dans la seconde phase, 3 États désignés par le Conseil des droits de l'homme font une synthèse, continue toujours professeur Egide Manirakiza. La deuxième étape, c'est l'étape où il y a 3 pays qui sont désignés, qui vont alors analyser tous ces documents-là pour en faire une synthèse. Et ils sont désignés en tenant compte notamment des continents, en tenant compte aussi du fait que l'État doit être examiné par les autres États. Il s'ensuit les questions posées par 47 États membres du Conseil de Genève, mais également par d'autres États. Il y a 47 États qui vont poser les questions à l'État qui est examiné. En plus de 47 États qui vont poser les questions, d'autres États vont poser les questions à l'État qui est examiné. Et c'est alors à l'issue de ces questions posées à l'État concerné qu'il y aura un rapport final qui contient les recommandations adressées contre l'État qui a été examiné. Au cours de ce processus, l'État examiné demeure associé. Un rapport final est adopté par les États membres des Nations Unies présents dans la session. Mais quelle est la valeur juridique des recommandations de ce rapport? Le consultant dans le domaine donne des explications. Ce sont des décisions qui n'ont pas le caractère contraignant. C'est une faiblesse notable, mais il faut comprendre ce système-là parce qu'on tient compte de la souveraineté de l'État. Mais les faits, il y en a, parce que si l'État en question n'a pas mis en œuvre ses recommandations cette année, lors du prochain examen, on va d'abord commencer à vérifier si l'État en question a exécuté ce qui a été recommandé dans le rapport précédent. Malgré la faiblesse de ce mécanisme, professeur Egide Manirakiza précise qu'en cas de violation grave des droits de l'homme, on quitte le domaine des droits de l'homme pour la justice pénale internationale dans l'hypothèse où l'État aurait commis des crimes internationaux. Alain Désiré Boukayeneza, c'est sur cette chronique judiciaire que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.